Tu crois que cette histoire aura une fin heureuse? Les fins heureuses sont des histoires qui ne sont pas encore achevées. On étale, on pose sur des feuilles blanches, des pétales de prose. En avalanche, on s'évade, on cause et on déballe toutes ces choses, toutes ces choses. On s'étale, on pose sur ce beat, c'est des pétales de prose que nos mots abritent. On s'évade, on cause et on déballe toutes ces choses, toutes ces choses. Quand je m'étale, je pose mon cœur sur beat, des pétales de prose. Sont ce que mes mots abritent, une ouverture, une brèche, et clôt une fleur entre les briques. Là où l'inspire crache, les mots se crachent. Si la musique est une fleur, le rap est une de ses pétales. Un élément de sa corolle, plutôt discret de petite taille. En termes de paroles, il est de loin plus fiable. En compagnie du slam, il rappe les joies ou de la couronne. C'est pas tout rose, mais diabolo dans le rôle de l'hiver rigoureux. Mes rimes taillées public heureux, je monte tête vigoureux. Pour eux détendre un peu beaucoup à la folie passionnément. C'est pas du tout énorme, c'est juste un bouquet de sentiments. Mes mots se posent en osmose, deviennent des petits bouts de phrases. Les chambres prose se transforment en bouquet de phases. Plus c'est face fan, comme un souffle sur un pistil. C'est flow, pète pétale, c'est de l'amour que l'on distille. On étale, on pose sur des feuilles blanches, des pétales de prose. En avalanche, on s'évade, on cause et on déballe toutes ces choses, toutes ces choses. On s'étale, on pose sur ce beat, c'est des pétales de prose. Aimez-les, mélangez-les, même épeler-les, laissez-les mûrir dans la matière grise jusqu'à les voir fleurir juste à votre guise. Mais attention, une prose est fragile aussi, faut-il avec elle être agile. Trop de bling bling la ternisse, donc je lui donne du love et ses couleurs s'éternisent. Elle a besoin de sincérité, en vérité, les leurs sont génétiquement modifiés. Quand la mienne est bio et loin d'être dégradable, remarquable, car je la traite mieux que ses semblables. Elle a des styles, ma prose, elle est belle, ma prose, elle resplendit, ma prose, et dans ton âme, elle cause une sensation de bien-être, style ambiance pétale. T'en veux encore, pour toi, voici un pétale. Des pétales, on pose sur des feuilles blanches, des pétales de prose. En avalanche, on s'évade, on cause et on déballe toutes ces choses. Chose. On s'étale, on pose sur ce beat, c'est des pétales de prose que nos mots abritent. On s'évade, on pose et on déballe toutes ces choses, toutes ces choses. J'ai choisi 5 lettres pour mon blasé. Sans me fondre dans la masse, je viens planter ma graine dans le hip-hop français. Marguerite, tulipe, porcèse, mesure, ouais, je rappe dur. Les mauvaises herbes qui poussent sur ma feuille, je les rature, je sème ma prose depuis les bancs de l'école. Mes syllabes germent, s'épanouissent pour la récolte. Appelle-moi fleuriste, cultivateur de consonnes et de voyelles. Euphoriste, les auditeurs passent et ne voient qu'elle en vitrine. Aucun lyrics de trop dans ma plantation. Avec Rotko et dernier pro et mon stylo, retrouve ses feuilles, arbore ses bourgeons. C'est la saison, mon texte se déguste comme un vieux bourbon. Ce titre défoncera vos portes grinçantes. Ma rythme n'est pas un chrysanthème, c'est une plante grimpante. On s'étale et mes phases remplacent tes fleurs. J'ai des pétales de rose rouge à la place du cœur. On étale, on pose sur des feuilles blanches, des pétales de prose. En avalanche, on s'évade, on cause et on déballe toutes ces choses, toutes ces choses. On s'étale, on pose sur ce beat, c'est des pétales de prose. On cause et on déballe toutes ces choses, toutes ces choses. Hey, hey, c'est des pétales de cause. Tout est fini. Et coupé.